Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. Alors ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous depuis plusieurs décennies dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord au 418-347-5103. Monsieur Justin Tremblay et toute son équipe souhaitent bonne chance à l'organisation de Milo en rodéo et invitent la population à participer aux activités. On va parler des Alouettes de Montréal avec notre ami Pascal Masson. Salut Pascal! Salut Dan! M'a souhaité une bonne et heureuse fête. Je l'ai souhaité en dehors des ondes, mais il m'a te souhaité en nombre maintenant. Donc, bonne fête encore une fois. C'est incroyable comment que la vie va vite. Absolument. Merci beaucoup, Dan. C'est apprécié. Pascal, évidemment, on va parler des Alouettes qui vont affronter demain les Stampeders de Calgary. Vernon Adams qui revient. Je lisais Mathieu Proulx, j'écoutais Pierre Vercheval qui disait que ça sent la fin pour Pitkin. C'est vrai qu'il n'a pas été bon en camp d'entraînement. C'est vrai qu'il n'a pas été bon également dans le match la semaine passée. Mais il me semble qu'on n'est pas patient à tirer la plaque. Je te dis pas que c'est Ricky Ray, là. Mais il me semble qu'il avait montré des belles choses l'année passée, puis on était content de son travail, son leadership, et c'est sûr qu'il fait que Vernon, on a hâte parce que Adams va très très bien, mais Vernon Adams en est une, justement, un exemple là, que faut prendre notre temps, puis c'est long de développer un carrière. T'as raison dans ton analyse ici, Dan. L'affaire, par contre, il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu un changement de garde. Est-ce que l'an passé, Pipkin, c'était plus Sherman qui l'aimait. L'ordre du depth chart là, était fait par cet entraîneur-là. Est-ce que en ce moment, Jones, lui, son gars, c'était Matt Shields. Puis Matt Shields, on l'a vu l'an passé aussi, puis il avait fait de belles choses. Il s'était blessé. Et c'est pour ça que Pipkin, ultimement, il avait été rappelé. Moi, j'adore Shields. J'adore son comportement. Ce qu'on dit, son body demeanor. Là, son body language. Son body language, il est super bon. Ça me semble être un leader. Ce que j'entends de lui, c'est qu'il y a du positif. Et c'est un gars qui... Il vient d'une université, je pense que c'est pas un gars université. C'est pas Butler, l'université, que c'est très, très académique. Les résultats sont académiques, sont très importants. C'est là que je m'en allais. C'est un gars qui est très student of the game. Et tu dis, là, il arrive prêt et... Il a quand même des qualités athlétiques. Il y a Pipkin. Tu sais, Pipkin, on va dire, ouais, mais Shields est également athlétique. Il est très rapide. Donc, pour moi, ça faisait quand même du sens de voir Shields prendre les commandes en attendant. Surtout que ce qu'on a fait du côté de Jones pour se dire que. Pour s'enlever un peu le manque de respect, il a dit, on met Pipkin. Puis c'est à Pipkin de me démontrer que vraiment, c'est lui le carrière numéro un. Puis moi, quand ça n'a pas pu mon affaire, tout de suite, je mets l'autre. Puis c'était planifié, ça a été fait. Puis en ce moment, ben, je comprends le changement de position au niveau du depth chart. Là. OK. Donc, comment tu trouvé ça la semaine passée, perdre comme ça contre les Roughriders de Saskatchewan à cause du règlement? Atroce. Je peux pas croire. Je peux pas croire que ça existe, ça. Pour avoir vécu ce même genre de situation-là où moi, je me souviendrai tout le temps, c'était le Red Blacks, là, avant qu'ils partent. On jouait à Ottawa. Et on avait entendu à peu près 2 heures de temps à cause des orages. Puis c'est sûr qu'on trouvait ça long et tout ça, mais je veux dire, de donner la victoire à une équipe, regarde, ça, pour moi, ça l'a pas. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'à la fin de la saison, ça peut faire la différence entre une victoire, une participation. Un classement, ça peut faire beaucoup de. Ça peut apporter beaucoup de modifications à tout ça. C'est vrai. Moi, j'ai essayé de voir le petit côté positif pour les Alouettes de cette situation-là. C'est qu'ils tiraient de l'arrière, mais ils étaient dans le match. Donc, ils sortent de ce match-là, pas avec une saveur de défaite. Okay. Si on a joué tout le match, puis on perd le match, puis là, on a une deuxième défaite d'affilée, là, on commence à se dire, les boys, il faut pas repartir là-dedans, il faut pas retomber dans des défaites une après l'autre. Là, dans la façon qu'ils ont perdu le match, ils sortent pas de là avec, avec la saveur de la défaite. Donc, le match contre Calgary, tu sais, il n'y a pas la pression de dire, hey, les gars, ça fait deux matchs qu'on perd. Mais, tu sais, oui, on l'a perdu la semaine passée, mais c'est à cause des règlements de la Ligue. Mm-hmm. Tu sais. Donc, c'est peut-être le côté positif que je peux voir à la situation. C'est parce que ça peut changer des affaires. Parce que, regarde, les Alouettes, ça peut faire une différence soit un bye week, soit un match éliminatoire à l'étranger, ou encore ou un match au Stade Olympique aussi, parce qu'on peut m'en transférer, qu'elles ont fait plus de sous. Effectivement, c'est quand même assez crucial comme décision, mais tu sais, c'est un règlement qui existe, puis j'imagine qu'ils ont une structure et des procédures pour établir des règlements, puis que tout le monde était au courant. Oui, effectivement. Moi, je ne l'étais pas, en tout cas, je ne savais pas ce règlement-là, puis j'étais très surpris de voir ça. Là, demain, on affronte les Stamps à Calgary, c'est l'équipe, c'est les Stamps, c'est les Stamps, puis tu sais... Écoute, eux, je regarde ça dans l'histoire des Stampeders. Là, il y a Nick Arbuckle qui a fait très, très bien. Tu sais, Bolivar Mitchell a été blessé. Il y en a qui ont le don de développer des bons carrières, ce qui n'est pas le cas. Et à Calgary, c'est le fait. Tu sais, t'as eu Jeff Garcia, t'as eu Dave Dickinson, t'as eu le Bolivar Mitchell, puis Nick Arbuckle. Henry Burris, et ainsi de suite. Nous autres, les Alouettes, ça a pris plusieurs années pour développer un corps, puis on ne sait pas encore si c'est le corps numéro un. Ah, ben, Vulden Adams, il n'est pas encore au calibre d'un beau Bolivar Mitchell. Il est en développement, puis on verra dans les années à venir si effectivement le travail avait bien été fait, mais tu as amplement raison sur ce que tu dis. Se présenter à Calgary sans William Stenback, est-ce que c'est, même si Johnson n'est pas mauvais, ben là, c'est sûr que Stenback, c'est un peu le cœur de l'équipe depuis qu'elle allait bien, là. Particulièrement, ben oui, au niveau du jeu au sol, mais quand même, c'est un porteur qui est bon aussi au niveau de la protection. Donc, ça fait une différence. C'est définitif. Mais toutes les équipes jouent avec des joueurs blessés. Là, on affronte Calgary, puis ils n'ont pas le beau Levi Mitchell. Fait que, entre l'absence du carrière puis l'absence de porteur de ballon, je pense que l'absence du carrière est peut-être plus importante, mais en même temps. Du côté des Alouettes, Stenback a peut-être une importance un peu plus élevée que la plupart des porteurs dans les autres équipes, compte tenu du style offensif qu'on joue. La bonne nouvelle, ce que je veux dire, c'est que là, on affronte Calgary. Oui, effectivement, Calgary, c'est une sommité puis une force depuis plusieurs années. Mais en ce moment, au niveau défensif, le nombre de points accordés, sont cinquièmes au total dans la Ligue. Donc, c'est pas la défense acharnée qu'on était habitué de voir dans les dernières années. Puis au niveau de l'attaque, mais c'est pas non plus l'attaque qui performe le mieux dans la Ligue. Là, on se retrouve quatrième au niveau des points pour. Donc, on s'en va à Calgary avec le sentiment d'infériorité beaucoup moins présent que dans le passé. Défensivement, on joue très, très bien aussi. Le défense, c'est... Défensivement, on fait partie des trois meilleures défensives de toute la Ligue, de 3-4 meilleurs défensifs de toute la Ligue en ce moment, ce qui est une... Tout à l'honneur de Bob Sio, le coordinateur de la défense, qui moi j'avais des gros doutes, mais semble-t-il que tout ce qu'on entend, c'est que c'est un gars qui n'est pas arrivé avec ses gros talons d'Américain, puis peut-être le fait aussi qu'il n'a pas été à l'emploi depuis 2013, ça doit avoir un lien aussi, puis il doit certainement avoir plus d'humilité. C'est une des raisons pourquoi dans le grand ménage des Alouettes, lui, il n'a pas passé. Non, effectivement. C'est sûr que Jones, lui, de son côté, quand il connaît l'individu, puis il a dit non, ce gars-là, on est en mesure de le garder pour le respect qu'il donne à la Ligue et à sa préparation. Puis ça paraît, là, parce qu'au début de la saison, c'était pas comme si la défense des Alouettes performait tant que ça. L'équipe, en général, performait pas bien, mais la défense non plus. Fait que j'aurais pas été surpris, moi, qu'on essaie de faire un ménage un peu plus majeur, mais il y a des raisons des fois pour payer certaines personnes qui passent à travers des tempêtes, puis lui en fait partie. Okay. Je veux te parler de David Ménard, que je vais tenter de rejoindre, on va le probablement faire la semaine prochaine. David Ménard, qui est de la région, qui est un joueur de Chicoutimi, qui avait joué plusieurs années avec les Lions de la Colombie-Britannique, qui avait été libéré au camp d'entraînement, et là, les Lions l'ont rappelé. Est-ce que le fait que les Lions, ça va pas bien à Vancouver, là, est-ce que ça a un lien? Ben, c'est sûr que les blessures, ouais. Le fait que ça aille moins bien, c'est pas une première, ça, qu'on voit des équipes rapatrier des anciens joueurs qui ont été libérés par faute, des fois, de masse salariale, là, des capacités de masse salariale, et ou des jeunes qui rentrent et qu'on a, on anticipait un développement plus rapide. Donc, c'est toujours plus sûr pour une équipe, pour une organisation, d'aller chercher quelqu'un qui connaît le fonctionnement de cette organisation-là, de la ville et tout ça. Ouais. Donc, c'est beaucoup moins compliqué pour lui d'arriver puis d'être prêt plus rapidement. Et je suis bien content pour lui parce que c'est une bonne personne, un bon joueur de foot. Donc, c'est bien mérité de sa part. Puis, il a dû se garder en forme aussi. Mais oui. Donc, ça, les directeurs généraux des équipes le savent. C'est pas une première. C'est pas une première, mais quand c'est quelqu'un qu'on connaît et qu'on suit, on est toujours content de voir ça. Ouais, effectivement. Pascal, on se reparle vendredi prochain. Sans faute. Collaborateur Pascal Masson.